Le propriétaire de Métro Plus d'Olbeau-Mistassini-Saint-Félicien, M. Danny Boutin et toute son équipe, vous souhaite de joyeuses fêtes et vous rappelle que pour vos différents parties des fêtes, une équipe de professionnels sera là pour bien vous conseiller. Surveillez bien nos circulaires pour alléger votre budget du temps des fêtes. M. Danny Boutin vous invite à visiter sa page Facebook ou notre site Internet au metrodb.ca pour les différentes promotions. L'entreprise Usinage HP de Dolbeau-Mistassini connaît une croissance plus qu'intéressante. Les propriétaires, messieurs Hermel Bugeaud, Vincent Girard et Pierre Thériault, viennent d'investir une somme importante de 700 000 $ qui permettra d'agrandir ses locaux et offrir une nouvelle gamme de produits qui fait fureur dans l'industrie du camionnage. Toute notre équipe souhaite de joyeuses fêtes à la population et vous invite à la grande prudence. Ce sont les vœux de la direction d'Usinage numérique HP, 210 rue Beauchamp. Dolbeau-Mistassini, 418-239-0827. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année, et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année. Chez Dolbeau Auto, on salue la période des fêtes en grand avec le Silverado 1500 2018 à 0% pour 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle et soyez prudents pendant la période des fêtes. Dolbeau Auto, au 1770 boulevard Walbrook, Dolbeau-Mistassini au 418-276-0580. L'équipe de Polaire 3 désire souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de la confiance témoignée durant l'année 2018. Polaire 3, 373 Avenue de la Friche à Dolbeau-Mistassini, 418-276-5018 ou visitez lepolaire3.com. Prix orange de l'année. Il y en a beaucoup. Puis honnêtement, je pense, et mettez-les dans l'ordre que vous voulez, là. Premièrement, dans la région, je pense que Samuel Girard, le patineur de vitesse de Fernand Boileau, c'est tout de passer à côté là, avec ce qu'il a fait aux Olympiques. Tu sais, on l'attendait comme le dauphin de Charles Hamelin. Finalement, il a le surpassé puis pas à peu près. Donc, pour la performance que ce gars-là a donnée à Pyeongchang, je pense que pour moi, c'est mon athlète de l'année. Donc, il fait partie de mes prix orange de l'année. Sinon, il y a Kim Boutin. Avec tout ce qu'elle a vécu aux Olympiques, ça fait déjà un petit bout. On dirait que c'est quasiment il y a 2-3 ans. Mais avec tout ce qu'elle a vécu, Kim Boutin, niveau pression, niveau menace même, puis tout. Puis elle a super bien performé au jeu aussi. T'sais. Fait que je pense que c'est quelqu'un qui mérite énormément de considération. Les Golden Knights de Vegas. Oui, ça c'est vrai ça. Écoute, on peut pas passer à côté. Oui, les Capitals ont gagné. Oui, Ovechkin a fait de la party. C'est super de fun. Mm. Mais les Golden Knights, premièrement, qui a prédit que cette équipe-là faisait des séries? Et qui a prédit que cette équipe-là allait se rendre en finale de la Coupe Stanley? Oui, pour une équipe d'expansion, c'est du jamais vu. Ouais. C'est vraiment, vraiment du jamais vu. Là. Fait que je te dirais que mon top, là, c'est pas mal ces moments-là, je te dirais. OK. Et tes prix citron? La gestion de l'aréna de Chicoutimi, là, tout ce qui est sorti autour de ça, puis tu l'as vu, Danny, les gars de clocher, après ça, les Gilles Courteau qui arrive, puis qui dit que ça prend absolument un nouvel amphithéâtre, mais là, finalement, une grosse rénovation, ça pourrait faire. Tu sais, parce que la mairesse Néron a jamais parlé de ça pendant la campagne. Ouais. Ça n'a jamais été un enjeu. Puis là, boum, là, ça arrive, avec le gros projet, puis dans un lieu qui est sensiblement controversé. C'est pas tout le monde qui est pour ça dans le centre de Chicoutimi, là, moi le premier. Donc, j'ai de la misère avec ça, moi, parce que ça générait beaucoup de retombées économiques. J'ai de la misère à croire que les gens d'affaires sont contre ça. Non? Les gens d'affaires du centre-ville de Chicoutimi sont tous pour ça, là. Ailleurs dans la région, je suis pas sûr qu'ils sont tous pour ça, là. Puis demande aux gens de la baie, demande aux gens de Jonquière, pas sûr qu'ils sont pour ça. Parce que le problème d'Annie, là, puis moi, c'est ce que j'aime pas de l'endroit, c'est que le stationnement sera très, très, très déficient. Puis le stationnement qu'il va avoir risque d'être payant. Puis le plan derrière ça, c'est que la mairesse Néron veut que les gens prennent l'autobus. Prendre l'autobus pour aller voir du hockey junior. C'est sûr. Moi, le Saint-Georges, j'adore l'endroit où le Saint-Georges est situé. Mais moi, je me dis, on va faire un nouvel aréna à l'endroit où le Saint-Georges est. J'ai pas de problème avec ça. L'affaire des centres-villes, ça régénère le centre-ville, pis c'est ici, pis c'est ça. Là. Attends, attention, là. C'est hockey, je gasse. C'est pas une nordique, là. C'est pas les Seattle de Seattle non plus, là. Faut faire attention avec ça, là. Moi, j'en frappe, j'en laisse. Puis l'affaire des spectacles, hey, ça va amener des spectacles. Ah ouais. Mm-hmm. Québec, là. Sans Vidéotron, on n'a pas amené beaucoup de spectacles et ça, écoute là, soyons honnêtes là, c'est ça. T'auras pas Metallica puis Maiden ou non. Surtout à 2 heures de route, hein. Surtout à 2 heures de route là. Ben non, c'est ça. Oubliez ça. Tu sais, moi j'ai des gros bémols là-dessus là. Oui, je pense qu'il faut faire quelque chose avec le Saint-Georges. Oui, ça prend les installations de qualité pour les SAGs, mais oubliez pas une chose, c'est toujours bien du hockey junior. Oui, mais Chaud l'a quand même dit, moi je pense que quelque part ça prend quelque chose, mais je sais pas, si, Gilles Courteau, c'est le passé, quand j'y ai parlé de Bécomo, tu sais, il parle toujours des standards de hockey junior, par contre, Bécomo, c'est pas mieux non plus, puis quand j'y ai parlé de Bécomo, il a dit il n'y a pas eu de projet là-dessus, fait que, puis il n'y a pas eu de demande non plus. Alors, moi, honnêtement, tu vis avec comment ils sont en train de se pacter un club présentement? Ouais, effectivement. J'aimerais tellement ça qu'ils gagnent la Coupe du Président avec Como, là, et que j'aimerais ça. Ouais. Il y en a qui graisseraient des dents à l'intérieur de la Ligue, là. Nous autres, ça va être nous autres l'année prochaine, hein? On a des grosses chances l'année prochaine, en tout cas. Ben, avec ce qui va arriver de Dobson, effectivement. Puis là, faut que ça lève une main de nez, tu sais. Ouais. Je pense que l'an prochain, ouais. L'an prochain, puis l'autre, là, les deux prochaines années risquent d'être mauditement excitants à Chicoutimi. Effectivement. Il n'y a pas de doute. Puis mon autre président de l'année, je pense, Danny, tu vas être d'accord. On en a parlé ensemble une couple de fois. Pour l'ensemble de leur œuvre, les Alouettes de Montréal. Ah, ça c'est vrai. C'est, tu peux pas avoir plus citron que ça. C'est la pire équipe. Je me demande si les Alouettes ne font pas partie d'une des pires équipes professionnelles de l'Amérique du Nord. Ben sûrement. Écoute, c'est une équipe. Écoute, pas fait les séries depuis quoi? 2014, pas fait les séries? Ça fait un bout, puis d'un donné qu'il y a 9 équipes, puis tout indique qu'à l'année prochaine, ça se fera pas non plus, là. Moi, je serais bien curieux de savoir, j'aimerais ça être le directeur du marketing chez les Alouettes. Tu sais, on est actuellement en pleine campagne des billets de saison, là. Comment qu'on fait pour vendre les... Parce qu'à quelque part, pour vendre des billets de saison, il faut que tu vendes l'espoir. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Y a-tu beaucoup d'espoir chez les Alouettes? Ben, il y a beaucoup de désespoir. Il y a beaucoup de désespoir, effectivement, de désespoir. Fait que, tu sais, je sais pas, là. Moi, je pense, tant qu'il y a un certain temps que Kevin Sweet ne sera pas congédié, c'est pas mis mouvement, puis ils le font pas parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est très, très, très triste. C'est pathétique à voir. Bon, moi je t'ai plus préparé au pré-orange de la semaine. Je vais donner rapidement mon pré-orange de la semaine et mon prix citron. Après ça, je vais aller avec le pré-orange de l'année. Pré-orange de la semaine, c'est Alexandra Wozniak. Elle a quand même fait une belle carrière, Marc. Tu sais, elle était 21e en son plus haut... Oui, 21e. Son plus haut classement. Moi, ce que j'ai remarqué, pourquoi je donne plus son prix orange, c'est parce que, à quelque part, elle a été, tu sais, après qu'elle a été blessée, elle a tout tenté pour revenir. Elle a fait preuve de ténacité. C'était pas évident pour elle qu'elle a fait les grands tournois de tennis, revenir au bas de l'échelle, faire les petits tournois de Ville-Saguenay, et ainsi de suite. Non, elle a. Oui? C'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent. Puis, probablement qu'elle accroche parce que, justement, il n'y a personne qui a tout brûlé son argent. Parce que. Quand tu es classé d'un 100 premiers, c'est le tournoi qui paye ton invitation, mais les 100 premiers et plus, je pense que c'est eux-mêmes qui payent ceux et celles qui font partie par invitation, là, qui payent les dépenses. Ouais. Tu sais, Danny, là, on va se dire, Eugénie Bouchard, une chance qu'elle est belle. Ouais. Parce que ça lui permet d'avoir les commanditaires pour ça, pour vendre son image à elle. Là. Sinon, puis elle sait très bien pour mettre ça. Là. Ben oui. Puis elle sait très, très bien. Donc, mon prix orange de la semaine, c'est ça. Mon prix citron, moi, je le donne à David Sampson. Tu as vu cette semaine? Oui, j'ai vu ça. Aucun respect pour les contribuables. Ce gars-là, écoute, l'État de la Floride a quand même donné 1,2 milliard à ces deux totaux-là. Là. Ils se sont remplis les poches à main de l'État de la Floride. Arrive dans une fête avec Dan Le Bâtard, qui est l'annonceur de Radio de Miami. Envoie promener le monde. C'est pathétique dans son cas, là. C'est vraiment triste. Prix orange de l'année, j'avais pas pensé beaucoup parce que je m'étais pas préparé. Je te m'étais préparé à une chronique la semaine prochaine, mais by the way, c'est pas grave. Mon prix orange, je vais le donner au maire de Desbiens. Oui. Nicolas Martel. On a ri de lui. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui riait de lui. Mais je peux-tu te dire que les gens de Demi étaient tellement fiers. Moi, je suis allé à ces championnats du monde de pétanque là. Ça a eu des bonnes retombées. Diffusé en France. Qui aurait dit qu'une petite municipalité de 1000 personnes au lac Saint-Jean aurait accueilli des championnats du monde? T'as quelque chose, là? Mais il y en a tant que ça qui ont ri de ça, Danny, parce que moi, écoute, de ma perception que j'ai eue de ça au Saguenay, hein, puis on trouvait tout ça. Tu sais, ça me faisait sourire, là. Ouais. On trouvait tout ça bien cool, pareil, là. Moi, il n'y a personne qui. Moi, dans mon entourage, j'ai vu personne ridiculiser ça vraiment pas, là. OK, OK. Donc, moi, en tout cas, moi, il y a du monde, en tout cas, pas. Du côté du maire de Desbiens, je peux te dire qu'il y a même un certain député qu'au début, il a ri de lui. Ah, mon Dieu. Okay. Fait que, tu sais, on n'aimerait pas, là, les gens ont à faire leur déduction. Et, OK, qui en profite, ce maire-là, hein, parce que je pourrais... Ce député-là, je veux dire, parce que... Oui, c'est bon, prochaine, juste, pas... en lien, lui, là. Bonsoir, il est parti. Et du côté du prix Citron, ben moi, je vais le donner à... aux dénigreurs des gens qui ont ri de Adonis Stevenson sur les médias sociaux. J'ai trouvé ça pathétique. T'étais en vacances, je pense, Marc? J'ai vu ça. Tu sais, le gars, regarde, on n'excuse pas le gars ce qu'il a fait, c'est pas ça, là. Mais on peut-tu au moins... Puis j'en ai rien à foutre d'Adonis Stevenson, mais le gars a quand même d'une femme, des enfants, qui vont passer Noël au chevet de son conjoint et de leur père, puis il est toujours pas réveillé. Je sais pas, puis même 3-4 jours après que c'est arrivé, il y avait aucun remords, ces gens-là. Là. Non, mais tu sais, Danny m'a dit, là, moi, Stevenson, je l'aime pas. Ben non, je l'aime pas non plus. Comme individu, puis tu sais, Adonis Stevenson, dans sa carrière, il y a eu une grosse gaffe qu'il a pas faite, mais je me demande s'il avait l'intellect pour le faire, puis le cœur pour le faire. C'était de faire une sortie. Quand le reportage de la presse est ressorti sur lui, là, sur son passé, c'était de faire une sortie, de faire les entrevues, puis d'avoir l'air du moins d'un gars repentant. Il l'a jamais fait parce que je pense qu'il n'est pas capable de le faire. Puis je te l'avoue, là, comme personne, je l'aime pas. Sauf que, as-tu vu des commentaires de ma part sur les réseaux sociaux sur la façon pourquoi j'aime pas Stevenson? Pis... Non, il n'y en a pas eu. Moi, je me dis, garde. Quand quelqu'un que t'aimes pas est en train de mourir ou quelque chose comme ça, saute donc un tour. Une opinion, c'est pas faite pour partager tous les jours, tu sais, là. Non, mais tu peux le penser, mais de là à le penser, puis à l'écrire sur les médias sociaux, puis même 3 jours après que c'est arrivé, que ça, tout le monde sentait que c'était grave, c'est que sa première journée, tu peux dire bagarre. Mais 3 jours après l'incident, puis on continue à ridiculiser Stevenson. Gros prix Citron pour ces gens-là, parce que moi je pense à sa femme et ses enfants, puis à sa mère, qui vont passer un Noël très, très, très triste. Puis eux autres, ils n'ont pas demandé ça, là. Puis ça n'excuse pas du tout les gestes qu'il a faits, là. Ah, mais tu sais, si tu l'as dit, là, on n'est pas obligé d'écrire ce qu'on pense tout le temps. Puis ouais. Ça, c'est dans tout. Tu parles de Stevenson, là, mais c'est dans tout, là. Moi, de m'amener, il y avait un auditeur qui me faisait des commentaires sur la page Facebook, ça n'avait aucun bon sens, là. Ça avait. Tu sais, c'était gratuit. Moi, j'ai toujours pour l'appréhension de me dire, si tu me ramasses parce que je me suis trompé sur une affaire, ben donc je fais tout le temps la même gaffe, c'est correct. Mais quand tu rentres dans le privé un peu puis que tu fais des affaires qui n'ont aucun rapport avec ce que je dis, ben là, saute un tour, mon homme. Là, ouais. Mais fait que, tu sais, malheureusement, il y a un manque, je pense, je dirais pas de savoir-vivre sur les réseaux sociaux dans des situations bien pires que celle de Stevenson que j'ai vues aussi des fois. Là, ben ouais, c'est bien malheureux pour ça. On le dit pareil, moi je me fais ramasser de mes fautes de français puis je l'admets. Fait que quand tu l'admets, en tout cas, on peut pas être parfait. La perfection n'existe pas de ce monde. Puis ça veut pas dire que tu tolères le manque de professionnalisme. Là. Exact. Fait que, Marc, je vais te souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. Je te remercie beaucoup, mais d'autres, on va se reparler pas le 29, autour du 3 ou 4. Toi, tu rentres en honte à Radio X à quand? Je reviens le 3, si la mémoire est bonne. OK. Fait que, dans ces eaux-là. Écoute, joyeux Noël à toi aussi, Danny, ta famille et tous les auditeurs de Dans Radio Sport. Bien, on sort. Une bonne année 2019. C'est incroyable. Marc, tu te rappelles-tu, on a pas mal la même âge. Tu te rappelles-tu, on était en 1985 et on voyait l'an 2000 très loin. Puis on voyait la voiture qui volait à l'époque. C'était ça, là. Ben, la voiture qui volait, puis les pelules pour souper, là. Puis les pelules pour souper. Les pelules pour souper, il y en a qui prennent ça, par contre, là. Mais bon, c'est un autre débat, là. Ouais. Ben, non, effectivement, non, ça va très, très, très, très vite. Okay. Ça va très vite, moi, okay. Marc, gros merci, puis on s'en reparle. Yes, salut, Danny. Notre collaborateur, Marc.